Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans. Au pub Brouhaha, 5860 avenue de Laurier. Chaque semaine, un film louche. Un humoriste de la relève. L'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. L'émission qui est comme du cacao, 70%. C'est très, très laxatif. Julien Carriveau à l'appareil. Qu'est-ce que je dis là? Je dis, vous écoutez. Laisse parler ton cœur. Oui, ouais. Oui, mais rappelez-moi le titre de l'émission. 70%. Ouais. Ben, c'est bon de même. Non, mais c'est plus moi de le demander avant. Ben bien. Oui. Alors, un indicatif. Alors, vous écoutez 70%, ici Philippe Schnob. Non, c'est pas bon, ça. Attends, bon, on peut le reprendre. On peut le reprendre, hein. Mais on va garder celui-là, mais on peut vous faire accroître. OK. Ben ici Philippe Schnob, ça m'a fait plaisir de participer à 70% et sachant qu'on peut le réécouter et écouter aussi sur Internet, ben ça me fera plaisir d'aller jeter une oreille à l'occasion. Sapristi, bonsoir tout le monde, bienvenue à 70%. Il y a des effets dans la voix. Ouais, je pense que ça va être fatigant, ça. Écho. Et voilà, Valentin de Secours, merci beaucoup à toi. Vous êtes à 70% sur les ondes de CFME 100,5. On arrive à la fin de ce FME fameux. On a eu droit à notre spectacle de Dr V dans la ruelle. Ce fut un plaisir et d'ailleurs, on le remercie beaucoup. Il y a des nouveaux CD en vente. On va mettre une de ses chansons plus tard dans l'émission. Sinon, ben voilà, c'est 4 jours de festivités quasi non-stop qui, tranquillement... vont laisser le soleil plomber sur ces charognes imbibées que nous sommes en train de devenir. Flanqué de Bruno Corbin, bonsoir. Bonsoir. Andy Jacques. Bonsoir. Bruno, tu vas parler de quoi, toi? En fait, je me suis rendu compte que j'étais pour demander de quoi on parle, puis je vois ton « viens faire l'humour de... ». On va finir avec l'humour. Si tu vas nous finir, ça. Voilà, il faut ce qu'il faut. Bruno, tu nous parles de quoi ce soir? Ben, je pense que ça va être une espèce de on va boucler la boucle, là, je pense. On va-tu en réentendre ton indicatif Love Me Tender ce soir? On a le droit. Et voilà, c'est en discussion à l'intérieur de l'encéphale de Bruno. Sinon, ben, c'est Réal et Keller de Céréal Keller. Comment ça se passe? Gros, ça va, Gros? Arrête de parler fort de même. Ouais, on a mal à la tête un peu. Là. À soir. C'est-tu vrai la légende que j'ai entendu dire que vous nous avez composé une chanson originale aujourd'hui? C'est ça. On sait pas ce qui s'est passé, mais maintenant on avait des textes, man. Et voilà. Ben, des textes, en tout cas, il y a des mots, puis il y a des mots dessus. Ça a fait des phrases, puis après ça, il y a passé un couplet. En tout cas, la feuille est pas blanche, man. Ça, je peux te le dire. La feuille est pas blanche. Non, c'est pas très blanc. Et donc, on va voir ça pour la première fois. Un premier jet ici en plein visage. Oui, monsieur. Quelle heure, encore une fois, tout le long de l'émission, tu joues à. J'ai encore Blackjack, man. Ça va bien. Je suis rendu à 9 600$. Tu vas pouvoir ajouter à la vanne. Ouais, je vais aller retirer ça dans pas long. J'étais rendu bas, mais comme je dis toujours, avec un gun, tout est possible, man. T'es con. Sinon, ben passe le micro un petit peu vers ta droite. Passer ça vers la droite. Ben oui, merci beaucoup. On va te entendre plus tard dans l'émission. On est avec Sébastien Ouellet aussi. Bonsoir Tommy, bonsoir super tout vedette monde. Artistique, gars qui travaille de ses mains et de ses poings. Tu vas nous travailler... comment ce soir? Avec marteau et enclume. J'adore ça. J'ai hâte de voir ça. On va essayer de t'impliquer peut-être avec du normal amour. On verra. Sinon, on parlera de tes projets. On est très content de t'avoir avec nous, Sébastien. J'aime très beaucoup ce que tu fais. Vous. Sinon, ben, on a Jean-Patrick Bertium. Toi, Jean-Patrick? Oui, allô. Ben, écoute, moi, ma chronique à ce soir, je sais pas encore. OK. Bon, ben ça... Ça va pas bien, mais ça va venir. Ça va venir. Ça sera déterminé dans l'émission. Ouais. Et voilà, ben merci beaucoup tout le monde d'être là. Sinon, j'ai oublié de le mentionner en début d'émission, mais c'est très important pour l'honneur et le reste, parce qu'on prend toujours un FME pour la vie. Tantôt, ouais. C'était une présentation 70%. Vous avez suivi tout le long des émissions nos combats de blagues. Oui. On a perdu les premiers soirs contre Décalage hors pair et ouais. Jamais content. Ce qui veut dire que le 70% de ce soir est une présentation de Décalage hors pair ouais. et de Jamais content. Ouais. Mais pas de... On prend toujours un FME. Non, effectivement, effectivement. Et sinon, ben, on est supposé être rejoint par les Princesses Hot Dog un petit peu plus tard dans l'émission pour continuer ça, ce combat des blagues-là. Je pense que c'est une belle tradition qu'on vient de, ouais. de créer. Ouais, c'est ça. Il va se passer quelque chose. Anyway, il peut pas exister un monde dans lequel il y a trop de labradacadabrador. C'est vrai. Ça, je pense que tu l'as dit, c'est bien clair. Dit. Ouais. Et sinon, ben moi, le band ce soir, qui est comme un classique du passé, qui n'aura jamais joué au FME, une grande perte, hein, c'est sûr et certain, c'est l'excellent James Bond. On va en parler un petit peu tout le long de l'émission. Oui. James Bond, une super giga vedette de 1990. Mm-hmm. Et voilà. Sinon, ben, on commence l'émission avec du récent Dr. V. Je Rock Ta Mère, c'est sur son dernier album qui est en vente depuis vendredi soir. Merci à tout le monde d'être avec moi au FME. Il y a Chinook qui est là, qui danse. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Chinook est là. On écoute Dr. V puis on vous revient en studio. sonnette. Ding dong, ding dong. La clochette, elle répond ding dong, ding dong, ding dong. Fin. On va se débarrasser de ton hostie niaiserie. Non, non, mais attends, wow. Ça a des vertus. Hein. Denise ça... Bombardier, à moi, ça a l'air. Ah! C'est, il semblerait. Cathy Lee, là, est super excitée. Ben, c'est sûr qu'il a dû avoir une histoire d'amour entre Doris Lussier et Denise Bombardier. En tout cas, c'est je peux clair. Pas imaginer l'inverse. Fait que, t'sais, il y a des vertus quand même à son test. Ça fait juste commencer, puis j'ai vraiment hâte que ça finisse. Andy, tu poursuis l'exploration du livre de Doris Lussier. Ouais. Viens faire l'humour. Oui, on va faire encore ça une fois. Ça a été trouvé dans une tombe de Pharaon, ouais. Ça, il paraît. Et c'est vieux de plusieurs milliers d'années. Et c'est maudit aussi. Et c'est ça. Fait que, Alors, ben, c'est ce qu'on va faire encore une fois ce soir. On va faire l'humour ensemble. Donc, attelez-vous, on lubrifie pas. Oui. Alors, le titre de ce soir, c'est « Âmes sœurs et confrères ». Vous allez voir, c'est très d'actualité. Au moment où le satrape Trudeau, ayant engrossé la Chambre des communes d'une idée générale, a réussi à la faire accoucher d'une chatte de droits de l'homme, il me paraît d'une souveraine importance que notre principipule pète soit mis au courant d'un possible péché d'omission dont il risque de se rendre coupable, celui d'oublier les droits de minorité, pourtant si chers à son cœur. La minorité linguistique d'abord, l'anglaise la première, car chacun sait qu'elle est menacée de mourir. Déjà menacée par les rouades du joual, elle risque d'être exterminée sous les coups sournois de l'impérialisme québécois. Au nom de notre séculaire réputation de générosité chrétienne, Gesta Dei Per Franco, il faut prévenir l'avènement d'une pareille apocalypse culturelle. Mais il est une autre minorité, mon cher Pet, qui traîne un temps immémorial et persécutée et contrainte de vivre dans des ghettos parce que tous les tabous se sont acharnés sur son dos. De ce seul fait, elle mérite une protection spéciale de l'État fédé. C'est, j'ose dire, la minorité érotique. En un mot commençant, les tapettes. Ouais. J'avais pas lu avant. Bon. Oups. Ça va aller bien. OK, attelez-vous. Là. Ça va aller vite. Ah, il a honte, c'ti. Le soleil de la démocratie. Écoute, c'est en italique, je pense que c'est correct. Tu me disais ce qu'elle dit. Ça aurait été correct si tu avais fait comme ça avec tes doigts. Je vais le faire pour les prochains coups. Le soleil de la démocratie ne luit pas pour elle comme pour les autres citoyens. Elle veut vivre au jour. Un gouvernement qui s'est fait élire comme libéral ne serait pas digne de cet adjectif s'il arrêtait son libéralisme aux frontières d'un simple fruit défendu. Ecce homo. Ils sont là, ils existent en chair et en os. C'est une question de fait, donc c'est une question de droit. Ils sont là, personne ne peut le nier. Leur existence se perd dans la nuit des tentes et leur persécution est une honte pour la démocratie. Le tiers sexe a les mêmes droits civils que les affreux normaux que nous sommes, nous, les hétéros. Ce n'est pas parce qu'une minorité de citoyens sont partisans de l'amour à l'envers que la majorité peut se permettre d'être injuste à leur endroit. S'il faut évoquer des titres à leur existence légale, pensons à Pet, lui-même, qui lui a ouvert la porte de son omnibus. Pensons aussi à toutes les grandes pédales qui ont activé le moteur de l'humanité depuis les tout débuts de son histoire, du divin Socrate à Henri Norbert, en passant gaiement par Caligula, Horace, Virgile, Frédéric II, Michel-Ange, Leonardo de Vinci. Lis ça au prochain Gay Pride. C'est du name-dropping. C'est la première fois de toute ma vie que j'entends Caligula dans une liste de personnes utiles à l'humanité. Homosexuel. Ouais, parce que c'est ça qu'il est en train de faire. C'est pour le Gay Pride. Peut-être le cardinal de Mazarin, Guide, Rimbaud, Oscar Wilde, Monterland et Michel Giroir. Même moi, j'aurais pu être name-droppé. Probablement. Comme les grandes communautés historiques, elles ont leurs apôtres, leurs théologiens, leurs martyrs et même leurs Judas. Allons! Là, ça va mal aller. Allons, enfants de la pédale, le jour de gloire est arrivé. Soldats obscurs de la grande armée de la jaquette flottante, levez-vous et marchez, sabre au clair et flamberge au vent, à la conquête des droits de l'homme pour l'homme. Debout, Fifi, Tapette, Minet, Tantouze, Mignon, Vicaire, Lubrique, PD militant, PD honteux, PD puté, PD-mocrate de gauche, de droite et d'extrême-centre, PD possédé du droit de se coucher en rond et en travers, fils de Sodome, fille de Lesbos, PD de tout poil à l'attaque. Hey, oubliez vos arrières et foncez de l'avant. Si la charte à Trudeau ne vous montre que ses griffes et vous refuse votre place au soleil, il ne reste plus qu'un chemin à prendre, celui qui vous mène tout droit à l'assaut de sa Bastille, au son de l'hymne La Plume de ma tante, ou encore en chantant sur l'air connu. Debout les PD de la terre, debout les forçats du plaisir, c'est la lutte finale, serrons-nous et demain, notre international sera le genre humain. Notez que moi, je n'en suis pas. Pas encore. Hey, attends. Vraiment tanné. On s'entend que là, il vient de dire, en passant, moi, je suis pas gay. Pas fif. Ouais, c'est ça qu'il vient de faire. Ouais, c'est littéralement ce qu'il vient de faire. Notez que moi, je n'en suis pas. Pas encore. Du pas moins, encore. Pas pour l'instant. Mais si ce sacré pète pas bien, vite, un geste concret pour donner un statut légal à votre minorité, je ne réponds de rien pour l'avenir. Il se peut que je bascule de votre côté parce que c'est un choix, tout le monde le sait. Ouais. Parce que mon âme se jette toujours du côté des opprimés et qu'en général, mon corps le suit. Ou la suit, puis désolé. C'est-tu fini? Ouais, c'est fini, là, ça a fait mal. Oh, man. Hey, on vient de gagner un level. Ouais. Calice, man. Okay, je regarde pour le futur. Merci, on va écouter un petit bloc de niaiserie pour se remettre dans le bain. On va revenir. Dans ce qu'on va écouter, il y a une partie d'un livre audio sur E-Man. Fait que c'est ça. On l'aime, lui. Lui, Andy. Entendez-vous sur l'amour? La candidate conservatrice dans Hall Elmer a dévoilé ses priorités aujourd'hui lors d'une première rencontre avec la presse. Pierrette Bellefeuille souhaiterait la construction de logements à prix modique dans la circonscription et la réalisation du Rapibus. Elle promet également un meilleur développement touristique de l'Outaouais. Voici à ce sujet un extrait d'une entrevue que Pierrette de Bellefeuille a accordée à notre journaliste. Il faudrait travailler avec la CCN pour développer des projets touristiques. C'est ça. Comme quoi, par exemple? Bien. Comme quoi? Ben, des projets touristiques. Faudrait regarder à ça, là. Mais est-ce que vous y avez déjà pensé? Écoutez, je dois quitter, alors je vous remercie beaucoup, madame. Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je vais essayer ça. Ouais. Non, mais ça paraît que je suis un début de game. J'aime ça. Alors, 70%. La nuit la plus sombre deviendra le soleil. Qu'importe le nombre d'ennemis au ciel, afin que survivent les étoiles. Notre seule devise, triomphe du mal. Nous sommes les maîtres. notre ville, nous n'avons pas peur. Tout est possible quand la force vient du cœur. Nous sommes les maîtres de l'univers. Nous sommes les On s'en souvient d'Iman, le gars qui se camoufle en enlevant son t-shirt puis en se mettant un bronzage. Après ça, on il est pas. Méconnaissable. C'est ça. Hey, Céréal Killer. Hello, gros. Comment ça se passe? C'était ça. Puis dire qu'avant de finir tout ça, il va falloir refaire le parc en sens inverse. C'est ça qui arrive, gros. C'est ça qui me stresse, là. Mais c'est pas grave. Ben, j'ai entendu dire que vous aviez composé une toune pendant votre FME. Oui. Hey, ça émerge-tu de votre... Ça peut pas être plus récent. Ça peut pas être plus récent que ça, c'est gros. C'est super récent. Ouais. On a fait ça sécuritairement aussi. Aussi, on a utilisé des crayons avec des boutons. Oui. Il n'y a aucun... Il n'y a personne qui a dépassé notre non, corps. Non, même pas eu un petit accrochage long, rien. Non, rien du tout. Tout le monde était content. On est sorti de là, grandi. Une chance, je m'en gagné. On va pas partir. Je me souviens même plus combien j'ai bu de vie. T'as bu de vie? J'ai bu de vie. Gros, j'étais un artiste, gros. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Ouais, c'est sûr. Ça, les règles sont à moi. Donc, est-ce que vous vous sentez ferré? On s'en fait rire. Et puis ça, c'est même un beat que t'as composé sur ton téléphone pendant la journée. Ouais, exactement, gros. Moi, pas besoin de ça. Un studio, c'est plus les faibles. Céréal Killer des artistes qui émergent de manière récente et sécuritaire. Exactement, même. FME 2017. C'est Céréal, chillax, je représente le futur. Bénévole, je me sens comme un roi. Bien gratis, pas je rends service, yo. Puis moi, plus je suis sous, plus j'ai le goût. On jase sécurité, marche à suivre. Mais attention, toujours dans le respect. Big love, Rouyn-Norandais. Killer traverse le parc, je prépare mon kit pis mon swag. Abitibi, Témiscamingue, je m'en viens implanter mon règne. À radio pour de la bière gratis, char ma passe. Le gros, j'ai droit des titres. Yeah. M'en va au bord, les titres, donne la bière, pis ça le passe. Bip, bip. FME, moi, je t'aime en crise. On vient faire l'ombre aux artistes. Calme-toi, le gros, zéro malice. T'es number one sur notre liste. FME, moi, je t'aime en crise. On vient faire l'ombre aux artistes. Calme-toi, le gros, zéro malice. T'es number one sur notre liste. Wow, wow, j'ai full faim. Drette chez Patate Pierrot. Combien tu le vends ton gâteau? J'me roule un bio, petit galop. Parce que ceux dans l'entrée m'inspirent. J'ai jasé avec des corbeaux. Avec Corbin, terrasse VIP. Y'a pas de soucis avec TJ. J'ai un décalage hors pair. Loin de chez nous, je viens regarder les affaires. En fin de semaine, dans tes oreilles, je t'offre une jouissance sans pareil. Des soirées, t'oublieras pas. Du plaisir, pis on se touche même pas. Divergence d'opinion, c'est important. Ouais, t'es sécuritaire, c'est impressionnant. FME, moi je t'aime en crise. On vient faire de l'ombre aux artistes. Calme-toi, le gros, zéro malice. T'es number one sur notre liste. FME, moi je t'aime en crise. On vient faire de l'ombre aux artistes. Calme-toi, le gros, zéro malice. T'es number one sur notre liste. FME 17, FME 2017, FME 17. FM 2017. Gros, faut pas trop boire. Non, mais si tu le fais, hydrate-toi bien. Yeah. Habille-toi chaud. Habille-toi voyant, gros. Fais fait, c'est gros. Ah, de tout. Voilà, gros. Écoute. Ça devrait être la chanson des bénévoles. Ça, si, c'était épique, ça, les gars, bravo. Oui, merci, gros, Swag It Out. Fait que vous avez fait ça depuis midi tantôt. C'est... Je sais pas, je m'en souviens pas, man. Ça a commencé quelque part. Ouais, on s'est réveillé, il y avait des feuilles, c'était plus blanche. Puis, Ça naît comment, une chanson comme ça? Est-ce que vous avez un processus de création? Oh. Partez-vous chacun sur votre bord après qu'on vous ayez... Ouais, ben, à tous les fois, on chicane. Fait qu'on sépare le band à tous les fois. Puis après ça, on revient. Puis on fait, non, c'était pas si pire, finalement. Fait qu'on fait tout le temps ça, chacun notre bord. Chaque refrain. Chaque refrain, on se sépare, mais on revient tout le temps. Hey, merci beaucoup, Céréal Killer. Vous passez le reste du show avec nous autres. Hey, certains gros. On a envie moi, j'ai des du cash à gagner, Noé. On a envie des affaires. Moi, d'ailleurs, j'ai comme un fio dans ligne ces temps-ci. Je vis quelque chose de particulier. Je ne sais pas si vous suivez mes chroniques à CIBL. On est sur Facebook et tout. Et là, j'ai réellement rencontré des vrais plateux, des flat earthers qui viennent me donner des arguments qui prouvent, selon eux, mieux que n'importe quel short de la NASA ou mieux que ton professeur qui a étudié dans des écoles en étant payé par l'industrie puis les rois qui nous dominent à cause des chemtrails des Juifs. Et oh ouais. Ces personnes-là sont sincères dans leur... j'en reviens pas. Il m'a envoyé un clip de... C'est pas une blague, ça s'appelle ITV. Information très vraie TV. C'est le nom du canal YouTube. Il m'a envoyé ça. Ça n'a même pas 14 000 views. Et pour lui, c'est une preuve irréfutable que la Terre est plate et non ronde et qu'on se fait mentir par les Rothschild qui cèdent des chemtrails pour venir voler nos maisons puis faire que ton char que tu payes avec ton argent en sang du Christ, il n'est même pas à toi. Non. Fait qu'en tout cas... Je suis en train de vivre un petit peu un semi-rêve permanent, dans le sens que... Mais là, je les ai un petit peu comme... Depuis mon dernier commentaire, ils n'ont pas... Parce qu'ils mélangent tout, c'est ça qui est particulier. Ces personnes-là parlent de finances internationales et de physique. Parce que pour eux autres, il n'y a pas de gravité. C'est le plateau sur lequel la Terre existe, ou en fait qui est la planète, qui monte à 9,8 mètres par seconde. Fait qu'on n'a pas une accélération due à la gravité. On a une idée vraiment niaiseuse à la place. Hey, ça a de la lune, Esti, man, je trouve. Ben oui, ça, a de la, ça se tient. Ben, ça se tient, gros. Ça fait de la on appelle ça de la divergence d'opinion, gros. C'est très sécurisant. Ça se tient, on l'oveuse. Alternative ouais, fact. Un plus un, on peut-tu dire que ça donne 2,4? Je sais pas, ça dépend de ton opinion, man. C'est justement... Ça dépend comment tu le vois. Ça dépend comment tu le files. En tout cas... Ça existe présentement. Je vis ça en ligne. Il y a des petits updates. D'ailleurs, Bruno, tu t'es permis d'écrire quand même des paragraphes en caps lock avec des fautes d'orthographe à chaque mot. Ouais. Tu t'es impliqué dans le débat. Je suis quand même impliqué dans le débat. Ouais. Voilà. Ma contribution a été grandement appréciée par la communauté scientifique, je pense. Ben oui, ben je pense que oui. Je pense que je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas à quelle manière ça peut servir de... Même d'en parler, là, je pense pas que c'est une bonne chose. Faites pas de recherche sur la Terre plate. Elle n'est pas plate. Non, de toute façon, tu peux pas faire de recherche. Il y a un complot pour pas qu'on trouve des vrais. C'est vrai, voilà. C'est vrai. On se fait mentusationner d'un bout à l'autre. On va aller écouter une toune de Sylvain Noël puis revenir à 70%. C'est une toune, c'est vraiment très touchant. C'est Champion en l'honneur de son chien qui est mort. Oh. Oh. Oh. Je te donne un cookie. je te donne un cookie. Pourquoi es-tu parti si vite, champion? 16 ans à peine. Tu devais avoir de bonnes raisons. Parfois, quand je suis seul la nuit, je sors dehors et je lance ta balle molle préférée. Je peux rester comme ça, des heures, à scruter l'horizon, en attendant que tu me rapportes cette fameuse balle. Et j'attends toujours, champion. Oh oui, je t'attends toujours. Wow, je t'aime encore, champion. Je pleure encore souvent. Parfois je fais un rêve la nuit. Parfois mes cris se perdent dans l'oubli. Champion, tu resteras toujours mon seul ami. Et puis je te donne un cookie. Je t'aime, champion. Je m'ennuie. Le nouveau laser de Milli Vanilli est enfin arrivé. Et cette fois, ce sont bel et bien les vrais chanteurs Milli Vanilli qui chantent tout leur succès. I know it from the star, it won't break my heart. You wrap around your little tiny fingers. You took my brain away. Was nothing left to do. I'm gonna miss you. C'est vraiment triste que ce soit la dernière fois. Ah, qu'on... Oui. Ben, je ne sais pas encore. C'est la dernière fois pour toujours. Pour toujours. Peut-être. Pour toujours. Peut-être. Peut-être. À Montréal, ouais. Peut-être pas, mais à Rouen, oui. C'est la dernière fois pour toujours. Ça s'exporte toujours. Super mal. Bruno peut-être. Corbin, oui. Tu termines plusieurs péripéties. En fait, tu es comme allé dans la vallée intérieure du Bruno Corbin. Ouais. Pour y trouver du sens. Je suis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que hier, je pense que j'ai fini sur une haute note ma chronique Love Me Tender. Ok. Je pense que ça c'était comme la fin logique de cette chronique là en fait. C'était la fin organique de cette chronique là. Ok. Fait que je me suis dit, je vais faire comme les émissions à TV, je vais faire une saison de plus. Je vous reviens ici avec une finale une saison finale de Love Me Tender qui va être vraiment moins bonne que les deux dernières. Mais ça va boucler mais des boucles. C'est ça, il y a les gens qui aimaient les personnages, tout ça. Comme, c'est ça, il y en a qui vont revenir. Est-ce que Tommy, le sympathique sidekick, va revenir? Ben non. J'ai un nouveau sidekick à vous proposer. Ça va avoir des spin-offs aussi? Écoute, ça va falloir qu'on parle au producteur. Donc hier, je voulais encore me venger de la fille qui m'a brisé le cœur l'an dernier. Je comptais sur mon annonce Kijiji sur laquelle je tentais de trouver une équipe d'experts pour voler ses bijoux, on s'en souviendra. Oui. Finalement, à l'air rouyn-norandien a refroidi mes ardeurs et j'ai décidé de passer mon agressivité sur des employés de service du Moras en les engueulant pour leur menu réduit sur lequel ils ont clairement le contrôle. Oui. Je me suis ensuite... C'est une conspiration, quelque chose. Ben, moi, je pense que c'est important quand t'es pas content de quelque chose dans un commerce que la première face qui est en avant de toi, là, ce soit celle sur laquelle tu te fâches. Ben, c'est pas celle qui représente l'entreprise. Oui, c'est ça, exactement. Elle représente l'entreprise. Puis, elle, veut avoir ton pouls, genre. T'es là, live. Exactement. T'es à chaud. Et là, pour là, c'est le baromètre de l'entreprise. Exact. Ouais. Ouais. Ensuite de ça, je me suis défoulé sur les Facebook pour éliminer le restant de pus qu'il y avait dans mon abcès de hargne que je venais de crever. Et j'étais enfin libre de mes sentiments négatifs pour un bout. Ça revient, ça. Fait que j'ouvre mon téléphone en sortant de l'émission et par simple curiosité, je vais checker mon annonce Kijiji. J'avais des centaines de réponses. Fait que là, je me suis dit, faut croire que les filles à Rouyn se cherchent pas mal plus de job que de chum. Parce que... Un message à Alexandre Bouchard-Fortier. Ah, d'accord. Fait que je me dis, pourquoi pas, on va finir le projet, même si le désir de vengeance ne m'habite plus tant que ça. C'est toujours bien d'avoir des activités. Hein. Fait que je m'installe pour passer des entrevues. J'appelle mon ami Jean-François, qui est un expert en ressources humaines ici à Rouyn, qui va m'aider à trouver la bonne équipe. Fait qu'on fait quelques appels, puis on commence à passer des entrevues pour trouver les bonnes. Après quelques filles qui essayent tant bien que mal de me montrer leur expertise en explosif et qui finissent défigurées ou démembrées, Jean-François me regarde d'un air découragé, je suis un peu d'accord. Puis Jean-François, il me dit « Je pense pas que ça va marcher ton affaire, là. Je vais aller chez moi. » Puis exactement à ce moment-là, j'entends un char qui s'arrête avec une passe de handbrake. On regarde par la fenêtre, puis on voit sortir Tania. Au ralenti. Tel un jaguar du Bengale, entre dans le bureau, s'avance vers moi et me dit « Je suis ta conductrice. » Jean-François puis moi, on se regarde, on se retourne vers elle, puis elle continue. Moi puis mes quatre chums de filles, on a déjà une équipe de montée. Tout à coup... Il y a une fille derrière moi qui me met un couteau sur la gorge. Je fais le son en crisse. Suis-je cuit? Mais non, elle retire la lame puis elle se place devant moi à côté de Tania. Moi, c'est Karine qu'elle me dit. Je suis ton experte en arts martiaux. Karine. À ce moment-là, Jean-François, légèrement paniqué, m'interpelle. Il me dit « Hey, ton ordi est planté. » Je regarde. Il se trompe. Mon ordi n'est pas planté. Il est vide. Tout est désinstallé dessus. C'est une boîte de métal avec rien dedans. Il y a une fille qui rentre par la porte avec son cellulaire à la main. « Veux-tu revoir tes données? » qu'elle me demande. « C'est moi qui les a. » Je suis Nancy en passant. Ta hackeuse. Elle appuie sur un bouton sur son téléphone. Mon ordi se remet à fonctionner immédiatement. C'est même mieux qu'avant. Je les contemple pendant même pas une seconde quand un son assourdissant remplit la pièce. Le mur qui donne sa ruelle vient d'exploser. De la fumée et des débris émerge une quatrième fille qui vient rejoindre ses comparses. On l'a? Moi, c'est Sandra, ton experte en explosifs. On l'a! Oh, yeah. Oh, the team. Ah, qu'est-ce que ça va bien. J'étais en train de capoter un peu, je me retourne vers Jean-François qui s'agrippe la nuque avec ses mains. Au début, je comprends pas exactement ce qui se passe. On dirait qu'il est en train de s'arracher la peau du cou. Puis je comprends. Sous le visage de Jean-François, se cache celui d'une autre femme. Cindy, qu'elle me dit en me tendant la main. Mon experte en déguisement que je réponds, plein d'évidence dans ma voix. Elle me fait un simple clin d'œil en guise de réponse. Je regarde mon équipe pendant quelques secondes puis je dis « Fait que vous êtes prête à faire la job à soir? » Oui, qu'ils disent « Mais t'as booké une gardienne pour nos petits, par exemple? » Ah, fuck. Ah ben au FME, ils peuvent... c'est ça, mais j'ai pas pensé à ça. Je capote un peu, mais heureusement, on me rappelle que le FME a une garderie. Fait que on va porter les kids à la garderie puis on part travailler. Là, je vous épargne les détails excitants du vol. Là. Mais on a réussi. On a volé tous les bijoux. Là, mais malheureusement, on est arrivé pas mal en retard pour aller chercher les enfants. Fait qu'on s'est fait charger par la garderie qui, étrangement, prend les bijoux comme paiement. Tous les bijoux. Donc, et les peaux. Donc, moralité, la loi, c'est la loi. Wow. Très bien dit. Merci, Bruno. Woo! C'était fantastique, gros. Wow. Quand même, une aventure du FME, une vraie. On va écouter une petite chanson de James Bond, l'artiste de ce soir, qui, virgule, s'il avait existé durant le FME, c'est sûr qu'il aurait été invité ici en tant qu'artiste émergent. On va parler avec Karen Bruno au retour. C'est 70% à ces FME. Vous écoutez le 100,5. Mon nom est Tommy. Je suis né à Rouyn. retour pour le FME. Merci encore, Tommy, de me réinviter ce soir à 70%. Une nouvelle pour le FME, en fait, VivoSop, qui est une compagnie de planches à pagaie sur les beaux lacs de l'Abitibi-Témiscamingue, va joindre le FME pour créer le village FME au camping du lac Marlon pour le FME 2018. Donc, ceux-là qui se sont gelés les fesses cette nuit ou qui ont dormi dehors, moi, je vous dis, restez au courant pour l'année prochaine. Beau spot de camping, on va avoir des barbecues aussi, peut-être service déjeuner le matin, une navette pour venir au chaud. Si jamais vous revenez tard, ben tant mieux parce que vous pouvez profiter du bain de minuit qui est très, très chaud. Sinon, aussi, l'année prochaine, on pense peut-être avoir des bandes ou des places plus en forêt proches du lac du camping, lac Marlon. Donc, voilà aussi, je lance l'appel à tous ceux qui sont entrepreneurs et qui ont des tentes ou des choses comme ça, qui pensent qu'ils pourraient se joindre au FME pour l'année prochaine pour le village. On les invite aussi. Sinon, VivoSop, on est beaucoup aussi dans le yoga, donc je suis venue faire un petit conseil parce que là, on s'en va tous à la fin du festival. Donc, comment se remettre d'un festival parce qu'on va tous souffrir quelques jours. D'après mes recherches, on a pour 15 jours pour s'en remettre. Je sais pas si vous avez entendu parler du mardi suicide. Mais c'est vraiment à prévenir. Donc, oui. c'est un phénomène qui est quand même connu, là. On a une petite déprime après les festivals. Soit qu'on a pris, on a consommé beaucoup de choses qui a créé beaucoup de sérotonine dans notre cerveau. Donc, on va souffrir émotionnellement et physiquement. On va tout le vivre ensemble. Donc, c'est important, gang, de dormir et rester sauvage le plus possible, loin des autres, pour qu'on s'en remette possiblement. Après ça, on va être plus de bonne humeur pour se revoir. Manger pas de junk, OK? Votre foie est déjà très saturé, comme ça, manger santé. C'est vraiment une bonne idée de chronique, ça, bravo. Ben, ouais, en tout cas, moi, je pense qu'on va, vivre ça, le post-festival. Boire beaucoup de liquide, peut-être. Beaucoup de liquide, de l'eau. Pas de la bière, là. Non, mais ça, c'est un mythe aussi, la bière, ouais, mais c'est aussi une bonne raison de recommencer, mais embarquez pas là-dedans. Okay. B6, vitamine C, Advil, oméga 3, allez-y pour ça. Sinon, vous allez faire beaucoup de cauchemars aussi. Oh. Ça s'en vient. Préparez-vous. Votre ça, cerveau veut récupérer Ça, c'est dès que je ferme les yeux. Ouais, ça, c'est bon. Même les yeux ouverts. Autour de toi. Est-ce que les flashbacks du Vietnam, ça compte-tu comme des cauchemars? Oui. Est-ce que ce son peut nous aider? Il faudrait prendre un break de son, de tout ce qui est musique. C'est faux, OK, ce que je viens de dire, okay. Mais un petit break. Diminuer le stress sur les membranes. Air horn. Relaxer votre système nerveux et faites du yoga aussi, c'est bon. Moi, dans le fond, qu'est-ce que je vais vous faire écouter? Tommy va nous mettre ça, ça va vous rejoindre, OK? C'est une petite méditation, c'est sûr que vous allez vous reconnaître là-dedans, laissez-vous aller. Okay. Puis essayez de répéter cette méditation-là dans les 15 prochains jours. Okay. Et n'oubliez pas de suivre VivoSop sur Facebook et je vous dis à la prochaine. Ça s'écrit combien, ça? Ça s'écrit avec beaucoup de lettres et très peu à la fois, V-I-V-O espace S-U-P. Sur Facebook. Sur Facebook. Et voilà une compagnie abitibienne qui vont avoir besoin de tentes parce qu'on parle déjà du FME 2018. Et voilà. Merci beaucoup, Karen. On va suivre tes conseils. Et pour l'instant, on vous laisse avec la méditation qu'elle nous a apportée. Oui. Alors, go. Sit or lie comfortably, quietly. Allow yourself to be here fully in this moment. With your eyes closed, begin to connect with your inner world of thought and feeling. Gradually, let the horseshit of the external world fade from your awareness. If you find your mind wandering to other thoughts, don't let it concern you. Just acknowledge that all that shit is fucking bullshit. You're here now, in this place, with your inner stillness. Those bitches can't get under your skin. They can't even. Take in a deep breath. Now breathe out. Just feel the fucking nonsense float away. Take full, deep breaths. Breathe in strength. Breathe out bullshit. Allow your breathing to discover its own natural, unhurried pace. If your thoughts drift to the three-ring shit show of your life, bring your attention back to your breathing. And with each breath, feel your body saying, "Fuck that." With passive acceptance, just allow distracting thoughts to float by. Fuck that. With each breath you take, your thoughts become lighter, and all the soul-eating cocksuckers just fall away into nothing. Take a moment to appreciate the silence. Those assholes can't piss all over a purity like this. You are weightless, timeless, without beginning or end. Completely relaxed and free of thought. And as you slowly open your eyes, greet the world and everything in it with a new, beautiful breath of fuck that. Quel artiste incroyable, James Bond et son excellente « Ça marche pas ». Vous êtes à 70% sur CFME 100,5. On est très content de recevoir notre danseur radiophonique à douteux.org, l'excellent Chinook. Chinook, tu veux nous parler de quoi en particulier? Oui, ben je veux juste dire que tu sais, je suis très honoré de revenir danser pour vous encore à soir. Mais après deux jours de bras, ça commence à être quand même difficile, là. Mais en plus, un matin, je me suis fait réveiller avec mon ami. Là, il me parlait, il m'a fait montrer de la propagande vegan française. Okay. Je me suis réveillé là-dessus. C'est quoi tu veux dire? C'est un espèce de podcast, en fait. Puis le gars, il disait à quel point qu'on est méchant de manger de la viande. Puis que le petit veau, il mérite de vivre, tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est un gros débat, ça, c'est sûr. Ouais. On se responsabilise mal de la viande qu'on consomme. Ouais, ça, ouais. J'ai pas de problème avec ça. Ouais. Mais j'aime beaucoup les conseils de Karen, là, putain, parce que je m'en viens. Hein. Mais ça, c'est demain qu'on commence ça, là, ouais, le retour. Pas. À soir, on peut vider nos bières gratuites gracieuses, ouais. Du FME. Il m'en reste encore. Let's go, c'est... Merci beaucoup, Chinook. Ben, on va écouter un petit bout de Normand Lamour pour se mettre dans le bain. On a la charmante Roxane qui va venir nous en parler. Elle était là, avec sa jupe de paille. Elle était là, elle regardait là vers le ciel et elle just come on, my eyes, come you can't switch when I'm swirling in the shoe in your wild man, you swear I are. Why you squash me swirling, squawking I are. The army of squirrel, squirrel, why? Elle était nu-pied, son gros orteil martelait le sable de la grève où elle était. Elle s'était mise. Et il y avait un beau cœur rouge de dessiner. Alors, il y avait des personnes qui n'avaient rien compris et qui, entre elles, se disaient. C'est un vieux cochon. À son âge, il pense que seulement au sexe. Il n'avait pas saisi que je voulais dire que mes cassettes dégageaient de l'amour. Alors, je voyais les gens au regard plutôt bizarre. Alors, ça me faisait rire. C'est drôle, des fois, quand on y pense. Et par la suite, mon gérant est venu chez moi et m'a demandé si je voulais faire un CD qu'il lancerait professionnellement. Alors, le petit pinson, il lâchait pas. La balle de ping-pong, toute noire. Ah, c'est pas facile. Dans la cuisine, et bien d'autres se firent entendre. On me faisait parler et je parlais ouvertement. Du Seigneur, sans crainte. Plusieurs me trouvaient hardi. Plusieurs me prenaient pour un fou. On a même dit à la TV que j'étais un malade mental. Quand j'ai entendu cela, je me suis mis à rire, autant qu'eux. Parce que c'était de l'humour pur et puis toutes sortes de choses. On me faisait descendre en soucoupe volante. C'était à en bouffer de rire. En soucoupe volante. En soucoupe volante? Oui. Je suis sûr que c'est passé de quoi. Imaginez-vous. Il est là en nous, tout au fond de nous, avec ses perles rares, ses récompenses divines. C'est si simple, certains postes, plus réticents, un peu, ne me faisaient pas jouer souvent. Comme s'ils avaient eu une crainte, encore ou une réticence, mais... Quel énorme! Je serai encore plus compris quand je serai mort. Je suis comme avant-gardiste. Oh my God. Comme. Dans 20 ans. C'est genre. Dans 20 ans. Dans 20 ans. On avec un c'est thé, une t'sais. Des rares fois qu'on entend Normand réfléchir sur sa création. Son œuvre. J'aimerais noter qu'à chaque fois qu'il dit « on », c'est écrit « O-N-T ». Oui, oui. Il y a quelques fautes dedans. Terrible. On se mettra à dire. Point. C'est bien trop vrai. Regarde, si on a été fou, on riait de lui. C'est parce qu'on ne comprenait rien de ce qu'on voulait nous dire. C'est terrible. Peux-tu abandonner? Oui, merci Roxane. Je pense que mission accomplie pour Roxane, ouais, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir. Il se mettait, à dos. Tu sais, Tommy, où est-ce que j'ai acheté, tu sais, on est allé à la ressourcerie, on a acheté plein de blagues, et j'ai trouvé aussi un livre qui s'appelle « Dure soirée, histoire vraie et haute humiliation » de François Morancy, qui écrit plein d'histoires de ses comparses et fait de l'argent sur leur dos. ça va sûrement aller dans une autre chronique de 70%, mais pour faire suite avec Normand Lamour, il y a justement une anecdote de Normand Lamour. Oh. Fait que je vais vous la raconter. De Normand Lamour ou de Normand Lamour? Lamour. Okay, c'est bon, Normand Lamour assez C'est quoi? En 1999 débutait l'émission Midi Morency sur les ondes de C'est quoi FM. Durant cette même période, le phénomène Normand Lamour arrivait sur la scène musicale québécoise. Ce petit monsieur de presque 70 ans, ex-propriétaire d'un dépanneur de Sorel, a pris tout le monde par surprise en présentant un disque fait maison sur lequel, en s'accompagnant des échantillonnages musicaux d'un petit clavier acheté chez Sears, il chantait une rivière de paroles incompréhensibles. Pour finir en beauté, la première semaine de l'émission, j'invite Normand à Midi Morency. Il arrive en studio avec sa casquette, une chemise à manches courtes et un sac de plastique dans lequel il ne semble pas y avoir grand-chose. L'émission se déroule très bien. À ma demande, Normand compose en 3 minutes une chanson de « Sur ma personne, le tout guidé par la main de Dieu », selon ses dires. Je suis émerveillé par la bizarrerie du personnage, mais je crois en avoir fait le tour. Quand Normand nous surprend encore en ajoutant une coche à sa légende extraterrestre. Pendant une pause publicitaire, il fouille dans son sac, en sort un bâton de speed stick flambant neuf, détache sa chemise, s'applique du déodorant sous les aisselles, reboutonne sa chemise et me dit « En veux-tu? » Non, merci. Sois pas gêné, il est neuf. Merci, ça va, je me sens fraîche. C'est la fragrance brise d'océan, ça sent tellement bon. Oui, Normand, attention, on revient en ondes dans 20 minutes. Dans 20 secondes. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Woohoo! Andy. Là, tu liras plus de cette niaiserie. Ben, pas pour asseoir. OK. Peut-être ton jeu qu'on va... Ah oui, on verra. Hein. D'ailleurs, les princesses hot dog qui ne se sont pas encore présentées, est-ce que le défi les a terrifiées? Ouais, je pense que oui. En tout cas, moi, juste, je vais dire, ils sont pas game. Ouais. Moi, je pense qu'ils sont pas clair. Game. Jusqu'à date, il leur reste une demi-heure. Puis la barre était pas haute, en plus. Toi, tu dis ça parce que t'as gagné. Non, parce que c'est tu deux... Tu t'es aidé de ton mal de dos chronique. Si vous voulez, je peux partir en mission, essayer d'en trouver une. On verra bien. Chronique, j'étais sur l'huile, j'aurais dû rire encore plus. C'est que Jamais content et Décalage hors pair présente ce 70% dans lequel on essaie de réhabiliter James Bond, en fait, de vous le faire redécouvrir. On va écouter une chanson et revenir avec Sébastien Ouellet, une saveur locale qu'on aime bien gros ici. My name is Andy Wabi. I'm listening to 70% at UCAM. I'm enjoying myself. And there are a lot of nice people around. Sébastien Ouellet à 70%. Comment ça se passe? Ça va très bien. Ça va très bien. La chaise est toute chaude. En plus, Roxane vient de l'acquitter. T'as-tu compris de quoi parlait Normand Lamour aujourd'hui? Ben, je l'avais feuilleté exactement cette page-là avant, puis non. OK. Fair enough. Tu voulais nous parler de quelque chose? Ben oui, c'est ça. Ben, j'ai réfléchi longtemps là, à ce que je viendrais vous parler. C'est ça. J'ai hésité, mais vu qu'on me donnait un micro, j'ai décidé de venir parler de quelque chose qui me passionne. Mais tu sais, tu l'as mentionné, je suis artiste. Ben oui. Ouais, je suis surtout connu pour ça, mais je suis aussi anthropologue. Ah. J'ai étudié ça à un moment donné, puis je vais finir bientôt de payer ma dette d'études. Et voilà, les éducations gratuites, ça se paye. Oui, c'est ça. Un ou deux versements et c'est fait. Et voilà, ben, Chris, bravo. Bravo, ouais. Oui. Après beaucoup. Ça fait mal, hein? Oui. Donc, c'est ça. Je voulais vous faire aujourd'hui, ben, vu que ça fait comme plusieurs jours de festival où les gens ont eu des discussions relevées, se sont stimulés l'intellect les uns les autres. Ben oui. Bon, aujourd'hui, on voyait les neurones étaient dans le tapis. Donc, je me suis dit, c'est le moment parfait pour venir vous faire une chronique sur la paléoanthropologie. Ooh. Et plus spécifiquement, ben, en fait, je voulais vous parler d'un sujet qui m'apparaît quand même. En fait, je trouve qu'on connaît trop mal nos origines. Bon, c'est sûr qu'on a des cours de sciences naturelles, tout ça. Mais au niveau des origines de l'espèce humaine, on dirait que les gens mélangent des petites affaires des fois. Ils ne placent pas les morceaux à la bonne place. Que je voulais comme venir, mettre ça au clair. Mettre ça au clair. Oui. J'aime ça. Donc, c'est ça, le sujet qui m'apparaît vraiment brûlant à l'actualité, c'est les origines de la bipédie. Oh, donc, oui. OK. Vous connaissez la bipédie? Ben, c'est oui. Pratique. Ben, c'est ce qu'on fait. Là. Comme les autruches. Comme les kangourous. Comme les autruches. Les autruches. Ouais. Ouais. Exactement. C'est la faculté de se déplacer sur deux jambes. Hein, ben, qui voilà, nous, paf. Tu l'as eu. C'est c'est vraiment c'est caractéristique, hein, parce que c'est ce qui nous distingue de nos plus proches parents, les grands singes, qui, eux, pour certains, se déplacent à quatre pattes. Donc, d'où vient la bipédie? Je vous lance la question. Ben, ça n'est pas pire. Moi, je pense que ça doit être dans la savane. Il fallait être grand pour voir venir les prédateurs de loin. Puis c'est pour ça que les femelles aiment ça, les grands poilus. Mm-hmm, oui. Oui. Quelqu'un d'autre veut... Ben, je sais qu'on se fatigue moins rapidement à courir, à se déplacer sur deux pattes que sur quatre pattes aussi. J'imagine que ça a un lien. C'est un très grand avantage, ouais. Effectivement, pour parcourir des grands territoires. Ouais. Oui. J'imagine que c'est plus pratique de manipuler des objets quand t'es debout, là. Oui, tout à fait, c'est ça. On s'est longtemps questionné si, si on veut l'agrandissement du cerveau, l'expansion des facultés cognitives était venu avant ou après la bipédie. Bon, ça fait quand même un certain moment qu'on sait que ce serait plutôt la bipédie qui serait venue en premier, puis en libérant la main pouvait faire autre chose. Devenir plus agile tranquillement. Oui, c'est ça. Donc, ce qui aurait eu un effet stimulant sur l'intellect. Mmh. J'ai appris aussi, tu me corrigeras, mais que la bipédie aussi a comme dégagé la glotte et à cause de ça, on a pu développer des cordes vocales. Ben là, tu m'en apprends une. Le poids de la tête n'était plus tout affasé là-dessus. Donc, en faisant ça comme ça, la tête relancée vers l'arrière dégageait la glotte et voilà, ça serait à la source de pourquoi qu'on a des cordes vocales. C'est pour ça que les chevaux et les chiens parlent pas. Genre. Ah, OK. Mais continue. Oui, c'est ça. Mais en fait, on a longtemps aussi pensé que, ben, vous savez, à une certaine époque, il y a eu une désertification des écosystèmes à l'est du grand rift africain. Okay. Ce serait... On croyait que le fait que les populations des ancêtres des chimpanzés, des êtres humains qui habitaient à l'est du rift, vu qu'ils s'étaient retrouvés du jour au lendemain, ben, pas vraiment du jour au lendemain, là, sur des centaines, voire des millions d'années, dans un climat plus de savane, désertifié, donc ça aurait été l'événement environnemental qui aurait fait que ce serait devenu plus pratique, tout simplement, pour se déplacer, pour survivre, de se déplacer à deux pattes. Suivre l'humidité, oui. Sur de plus grandes distances qu'avant, genre. Exactement. Okay. Mais on a découvert, à partir des années 2000, plusieurs fossiles plus anciens que les fossiles qu'on connaissait des Australopithèques, qui étaient déjà des bipèdes. Okay. Comme Aurorin tugenensis, Sahelanthropus tchadensis, et celui que je vais vous parler, Ardipithecus ramidus. OK. Oui. Donc, ce Ardipithecus ramidus habitait dans la forêt. Il n'habitait pas dans la savane. Il a vécu environ 1 million d'années avant les Australopithèques, entre autres les Afarensis. Il y a 1 million, c'est quand même un gros jump. Là. Oui, mm-hmm. C'est ça. Ouais, oui, parce qu'on est longtemps resté bloqué là. Tu sais, le fameux chaînon manquant. Lucie, là, ouais. On l'a comme trouvé. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment important de vous en parler. Il y a 3 ans, à peu près 2-3 ans, qu'ils ont trouvé ça. Là. C'est très récent. Effectivement. Donc, c'est ça. Il vivait dans un milieu de forêt et il avait une fonction bipède. Il pouvait se déplacer de façon bipède au sol. Donc, c'est ça qu'il pouvait faire des fingers aux autres. « C'est moi de bord, pas vous autres! » On troll tout! Blah, blah, blah. Il faisait clairement ça. C'était ça leur cri. Oui, serpent. Oui, continue. Ben, c'est ça. Tout ça pour dire que ce serait plutôt... En fait, n'y aurait pas eu redressement, comme les gorilles, les chimpanzés, vous savez, on dit que c'est des marcheurs sur les jointures. Hein, ils se déplacent en se déplaçant sur le j'essaie de le mimer. Là, les jointures, super on voit ça, Chucky King Kong. Oui, c'est ça, exact. Mais non, ça, parce que c'est un mode de locomotion quand même assez adapté. J'ai toujours trouvé que ça serait comme un peu difficile de se relever comme quand on est rendu aussi avec une démarche aussi spécifique. Disons. Ouais, je comprends. Ouais. Donc c'est ça. Mais l'espèce dont je vous parle, Ardipithecus, lui était il vivait dans les arbres, donc il descendait au sol pour marcher à deux pattes, quand il était au sol. Donc, ça viendrait pas. La bipédie serait antérieure à tous les événements environnementaux. OK, c'est ça. Ça dément, dans le fond. Oui, c'est ça. Ça rebrasse la possibilité, en d'autres mots. Là, oui, non, c'est ça. Faut travailler plus. Refaire le questionnement. Ouais, exactement. Bon, ben, tu reviendras l'année prochaine nous en parler de développement là-dedans. Merci beaucoup, Sébastien Ouellet. Ça fait plaisir. Un réel plaisir de t'avoir avec nous à 70%. Chino qui est là, il est venu parler. Roxane a contribué. Il reste Jean-Patrick. De quoi Jean-Patrick va nous parler? On va le savoir après cette chanson de l'excellent James Bond. Je t'aime, je sème. À 70% au FME. Quelque chose est quand même assez sensuel, voire gavant. Hein? C'est James Bond, un artiste très mystérieux duquel je n'ai que très peu d'informations. Je vous lance ça ici maintenant. C'est sous forme de beau texte sur lequel j'ai mis de l'amour. On s'entend. On est à 70% présentation, jamais content et décalage hors pair. Voilà. Et l'artiste d'aujourd'hui qui aurait sûrement participé au FME si le FME avait existé dans son temps à lui, c'est James Bond, une giga vedette du début des années 90 au Québec. Son incontournable succès se nomme « Il y a un pneu sur mon nœud ». Et il porte sur l'inconfort des préservatifs masculins. Il y a un pneu sur mon nœud. On comprend. Les autres chansons se retrouvant sur l'album, qu'on vient d'ailleurs d'écouter, ont des titres comme « Homo croisé »,« Dildo charnel »,« Je t'aime, je sème ». Et il y avait aussi « Prends tes doigts ». Oui, voilà. « Prends tes doigts ». Bref, vous voyez le genre. Fait intéressant à noter, deux chanteuses beaucoup plus connues aujourd'hui du grand public, c'est-à-dire Luce Dufault et Loulou Hughes, ont participé à l'enregistrement de ce disque vraiment unique. Le concept de l'aventure de James Bond était directement pompé du célèbre James Bond. Non, la phonétique similaire n'est pas un accident. James devait faire un album intense et personnel dans lequel il explorait les diverses thématiques sexuelles qui le touchaient plus que les autres. Ensuite, ayant rempli son mandat, il se devait de quitter le rôle éponyme pour passer le flambeau de James Bond à un autre musicien, un Roger Moore, si on veut, et qui allait ensuite explorer le sexe en chanson à sa manière, reprenant ainsi la gimmick de l'agent secret qui change de visage aux trois films pour en faire un musicien horny à relais. Bon. C'est ainsi que 20 ans plus tard, c'est très triste, mais on se retrouve laissé en plan par une des meilleures idées de tous les temps. On attend toujours le courageux qui reprendrait le flambeau de James Bond, l'original, pour porter les chansons à thématique sexuelle au-delà de cette stagnation ennuyeuse que le rap nous fait vivre. En fait, j'ai un aveu à vous faire. Si seulement je pouvais, je le ferais. Je serais James Bond. Ce serait mon projet de musique. En 2000, j'ai même d'ailleurs écrit des titres de tunes que je pense qu'ils pourraient être très adaptés. Mais gros, quand tu veux, tu peux. Là. Ben, on s'en reparle. En 2017, les gars et les filles, c'est pas pareil. Ça, c'est des titres de tunes que moi, en tant que James Bond, je pourrais faire, vu que Dieu pardonne quand c'est par en arrière. C'est vrai. La virginité sur eBay. Swipe-moi à droite parce que c'est pas pour un one night. Crossfit et Dogface. Avec les mains, c'est pas trompé. Tes problèmes deviendront les nôtres. Dis-moi encore ce que tu améliorerais à ta vie. Les gars, les filles, les nouvelles catégories. Prends ta douche avant, s'il te plaît. Fin de semaine apathique. Netflix and chill, Kung Fu et bisous. Et une de mes préférées, une phalange à la fois. Mais bon, c'est, malgré toutes ces bonnes idées, je conçois que je serais plus le George Lazenby que le Roger Moore de l'aventure. Et là-dessus, chapeau au courageux inconnu qui, virgule, un jour prendra le relais de James Bond pour que le Québec ait finalement ce qu'il mérite, c'est-à-dire un retour sur les planches d'une des plus grandes icônes de la musique québécoise des années 90, James Bond. Puis qui sait, hein, s'il y a quelqu'un qui le prend là, peut-être qu'il pourrait venir sur les planches au du FME et on aurait finalement James Bond au FME comme ce qui est tellement mérité. Voilà. Là-dessus, je vous laisse avec son gros hit. On en a parlé, l'inconfort du préservatif masculin. Faut quand même se protéger, hein? C'est nous autres qui inventons ça. C'est important, gros. Sécurité, t'en as parlé, il fallait qu'on intervienne. Nous autres, on va régler ça. Là, s'il n'y a pas assez de sécurité ici, c'est ça. Tu me prennes, mais c'est ça, man. J'oublie mon gun. Vous êtes à 70%. C'est un plaisir, mesdames et messieurs. On écoute James Bond et on vous revient avec une surprise. Et peut-être Mathieu Boudreau. La sécurité par le gun. La chronique à Jean-Patrick! C'est la chronique à Jean-Patrick. Salut Jean-Patrick. Salut, salut. Oh, tu passes trop vite, toi. Donc, ben, c'est ça. Écoute, je cherchais quoi faire. Puis j'ai un papier dans les mains ici. Puis il est écrit « Payé et autorisé par l'agent officiel du candidat, Tommy Godet. » Qu'est-ce que c'est ça? Peux-tu m'en parler? Oui, j'étais un agent officiel pour ta campagne dans Gouin, quand on voulait... La campagne de quoi? Ben, la campagne pour faire élire Gabriel Nadeau-Dubois. Là. Ah? C'est ça? C'est ça? Ben oui, ouais, on était pour le Blocpot. Ah, ouais. Parce qu'au Québec, dans l'histoire de l'humanité, il y a une seule personne qui a l'opinion de notre premier ministre actuel, c'est que il ne voit pas la possibilité de faire du profit dans la vente de marijuana, donc le Québec ne s'impliquera pas. Mm-hmm. C'est le seul être humain de tous les temps qui a cette opinion-là sur le pot. C'est un divergent opinion. Son opinion est divergente. L'alternative. Moi, je suis pas totalement contre ça. En tout cas, il faut continuer, man. Ouais, mais écoute, okay. Moi, j'ai fait une campagne, effectivement. Ben oui. J'étais mon agent officiel. Puis, pour vous donner des statistiques, 117 joints ont été utilisés pour passer de la propagande. Et voilà, quand même. Des outils de propagande mais, de brainwash. Mais le score de 113 votes me démontre que, oups, il y a 4 joints qui ont été payés de trop. Mais en tout cas, c'est mon calcul classe. Il y a une affaire qui ne marche pas. Alors, voilà. Et c'est ça, dans un esprit toujours de marijuana et de pot et de cannabis, il y a un chanteur qui vraiment a fait une chanson qui est un ovni dans sa carrière. Monsieur Michel, Jacques Michel, puis ça s'appelle « Fume ta marijuana ». Il s'en sent une année où, bon, OK, oui, c'est tout le monde fume, là, mais sincèrement, il allait à l'encontre de pas mal toutes les autres, puis principalement dans sa carrière, il n'a rien fait d'autre de similaire. Là. Il n'y a que ça. À un moment donné, un pari perdu, quelque chose. Je ne sais pas, mais tu sais, tout le reste, c'est genre des affaires d'amour, tout ça. Là, il nous sort un truc en disant oh « Oui, le cannabis, c'est correct. » Donc, écoutez les paroles, ça vaut la peine. Merci beaucoup, Jean-Patrick. On écoute Jacques Michel, « Fume ta marijuana ». On est à 70% au FME d'Arouen-Aranda avec les amis. Yeah. c'est la toune de Lucky Luke, ça. La bombe. Merci beaucoup, Jean-Patrick. On vient de découvrir Jacques-Michel et Fume ta Marijuana. On est à 70% et l'année passée, on avait fait le FME et Peace Out, là, je veux dire, il est arrivé des problèmes, on n'a pas les deux dernières émissions. Et on avait un trip à cette époque-là, c'était de chanter les cités de caca. Et je me souviens, l'année passée, on savait pas trop quoi faire en fin d'émission. Et là, on s'est dit, oh, bah, too bad, on est dedans, on l'a fait. On a eu un moment assez intense. Oui. Et pendant le milieu qu'on chantait ça, je me suis dit, ouf, je regrette qu'on aille commencer. Et cette année, comme l'émission n'a pas été sauvegardée, je me suis dit, too bad, on la refait. Ouais. Et c'est donc tout le monde ensemble qu'on offre à nos auditeurs de 70%. L'excellente Les Cités de caca, interprétée par la bande de 70%. Tout le monde ensemble, messieurs. Bonne chance. Caca. Enfant du caca, dans ta berce de caca, tu cherches ton caca, c'est que ta vie c'est ton caca, mais le jour caca, avec tes deux meilleurs caca, à bord du grand caca, tu recherches ici caca. Caca, caca, caca, caca, c'est pas de caca, t'as aussi tes caca. Caca, tout, tout, si t'es caca, tout, tout, tout, si t'es caca, enfant du caca, ton destin est son caca, l'aventure caca, n'attends pas et cours caca. Caca, est-ce pas de caca, dans si t'es caca. C'est bon caca, t'as aussi tes caca. Bravo! Bravo tout le monde. De toute beauté, non, j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu offrir une aussi géniale performance que l'année passée. Ce qui nous amène à notre complément de soirée. On passe vers notre charmant Mathieu Boudreau, dépressif avoué et père d'une métaphore de 8 ans depuis 4 ans. C'est qui Mathieu Boudreau? T'arrêtes pas de dire ce nom-là, même. Moi, je vois pas de qui tu peux parler à ce moment. C'est réel. Je vois pas de qui. J'aimerais ça que tu retires. T'es vraiment chanceux, j'ai oublié mon gun, man. Vraiment, vraiment. Je sais pas, j'ai peut-être l'air d'un channeler, mais peut-être. Je sais pas, là, mais. Je peux te tirer au cartes. Hey, by the way, man, je te dis que j'ai tapé le 10 000$, gros, fait que. On a pas besoin de prendre une photo de shows, ça, puis je vais aller dans une banque random aller chercher mon dû, man. Let's go, on est riche. Merci beaucoup, yes. Keller, qui a joué à Blackjack au Game Boy tout le long de l'émission. Oui. On s'en va vers le petit extra de la programmation, puis on vous revient pour finir ça. Merci beaucoup, les amis. Hey, mangez-en. Je vais lire une traduction Google. Check it out! Yeah! Regret! Nothing! Je rentre à la maison au milieu de la nuit. Mon père me dit, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Oh papa chéri, tu le sais que t'es le numéro un. Mais les filles veulent juste avoir du fun. Oh les filles veulent juste avoir du fun. Yeah, tes mains dans tes airs. Téléphone sonne au milieu de la nuit. Ma mère, elle me dit, qu'est-ce que tu vivras de ta vie correctement? Nous ne sommes pas les plus chanceux, mais les filles veulent juste avoir du fun. Oh, les filles veulent juste avoir du fun. C'est tout ce qu'elles veulent, vraiment du fun. Quand la journée de travail est passée, les filles veulent juste avoir du fun. Oh, les filles veulent juste avoir du fun. Les filles. Solo! Hey, Hey, c'est vraiment une bonne version, hein? C'est malade, le synth, mettre le synth en arrière, c'est fou, man. C'est un synth de c'est écœurant. Hein? Hey, y'a des gars qui se pognent des belles filles, pis qui les cachent du reste de la planète. Je veux être celui qui marche au soleil, mais les filles veulent juste avoir du fun. Oh, les filles veulent juste avoir, c'est tout ce qu'elles veulent, vraiment du fun. Lève tes bras, quand la journée de travail est passée, les filles veulent juste avoir du fun. Oh, les filles veulent juste avoir du fun. Veulent juste avoir du fun, les filles. Veulent juste avoir du fun. C'est tout ce qu'ils veulent, c'est tout ce qu'elles veulent. C'est tout ce qu'elles veulent. Les filles veulent juste avoir du fun. Les filles veulent juste avoir du fun. C'est tout ce qu'elles veulent, c'est tout ce qu'elles veulent. C'est tout ce qu'elles veulent. Les filles veulent juste avoir du fun. Les filles veulent juste avoir du fun. Les filles veulent juste avoir du fun. Il reste encore une minute. Hey! Quand la journée de travail est passée, oh, quand la journée de travail est passée, les filles veulent juste avoir du fun. Oh, ici! Hey, check it out! Hey, check it out! J'accepte les sous-vêtements! Signe à l'entrée. T'acceptes-tu les survêtements? Voilà. Les survêtements aussi. Ça nous accepte a tout. Amené, mesdames et messieurs, c'est la fin de 70%, cette édition 2017 au FME. Un gros merci à toute l'équipe de CFME qui ont été vraiment... Merci gros. Ça a été très plaisant merci de travailler. Merci gros FME, gros. C'est ouais. Les émissions les plus têtes que j'ai entendues de ma vie. Gros. C'est capoté. Puis, à l'année prochaine. À l'année prochaine, on espère certain. Sinon, ben merci beaucoup aux chroniqueurs de la place qui se sont déplacés. Sébastien Ouellet, Roxane qui est passée avec son frère. C'est beau, c'est le fun. Il y a Karen aussi qui était là. Sinon, ben je pense que les remerciements sont faits. Ah oui, ben oui, en fait, on essayera de repogner les princesses hot dog dans le futur. Justine Boulanger puis Samuel Ramsey Hull. Et voilà, on va essayer. Honte à vous autres. C'est du monde qui ne règle pas les affaires, même, je trouve. Franchement. Concours de blagues, c'est sérieux. Ah, mais, hein. Sinon, ben voilà, merci beaucoup à la famille Noël qui nous reçoit comme à chaque année. Là-dessus, on va finir tu sais, juste pour déploguer puis. Laissez ça dans. C'est Il neigeait sur Metabetchouan de Carlos le Desperado. Et puis j'ai mis une toune de Sylvain Noël après le Caporal capoté. C'est une très belle anecdote qu'on a vécue. On fait un parc demain, tout le monde aussi. Dans le parc. Cette chanson met en vedette les doigts agiles de mon grand ami Don Puntos, le conquérant de ces dames. Et ça va comme ça, 1, 2, 3, ça parle du lac. Vas-y, punt. Mes parents sont communistes. C'est pour ça que je m'appelle Carl. Les bleus, pour moi, c'est un vice. Ça fait que mange pas. Dedans ma table, je l'ai rencontré au trou de fée. Pendant que je castais la Wananeche, qui c'est là qu'elle m'a montré tout ce qu'on peut faire avec une liche. Elle m'a amené visiter l'académie musicale. Moi je l'avais bien frémé, elle voulait juste sexe oral. Roche pas ponton. Pendant ce temps, il neige sur Metabetchouan. Les crottes de fromage de Saint-Prime sont number one. Y'en a dans Poutine chez Yogi à Robertval. Il flex au flex agit là où ça fait mal. Go! Allé à Péribonca pour voir une sculpture d'hymen. Elle m'a dit, tu le sais peut-être pas, ben c'est celui de Maria Chapdelaine. On a fait comme les nageurs en allant l'autre bord sur le brise-lame. Elle m'a dit faut pas que t'aies peur, chercher la perle dans le fond de mes clames. On a fait de l'acide à Pointe-Scott, ben ben de minuit, au creux de la drague. Moi je m'étais pas amené de capote, ça fait je vous invite tout à mon stag. Pendant ce temps il neige sur mes tabettes chouanes, les crottes de fromage de Saint-Prime sont number one. Y'en a dans Poutine chez Yogi et Robert Val. Pis Molson X a fait de moi un animal. Il me l'a dit à moi, Punt. Il dit, man, Chris, faut que tu te laisses désirer, c'ti.